C'est l'heure de remonter le temps avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 14 février, est-ce que cela vous évoque quelque chose? Ça nous dit quelque chose à tous, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, c'est la fête des amoureux. Mais dites-moi, depuis quand est-ce la fête des amoureux? Alors depuis le Moyen-Âge, mais dès l'Antiquité, dites-vous que ce milieu du mois de février a été associé à la fécondité. Dans la Rome antique, c'était la fin du calendrier, puisque l'année commençait à l'époque le 1er mars. Entre le 13 et le 15 février, on célébrait les Lupercales en l'honneur du dieu Faunus, le maître de la fécondité. Et par la suite, en l'an 495, le pape Gélase Ier interdit cette fête païenne et il décide quand même que le 14 février sera le jour de trois saints martyrs appelés Valentin. L'un de ces saints est Valentin de Terni, un moine qui a vécu à Rome au 3e siècle. Et pourquoi associe-t-on ce Valentin aux amoureux? La légende veut que l'empereur Claude le Gothique, l'empereur romain, n'ait pas souhaité que les soldats se marient. Or, il apprend que Valentin marie secrètement des couples selon les rites de la toute nouvelle église chrétienne. Il le fait donc arrêter. En prison, Valentin se lie avec la fille de son geôlier, Julia. Il réussit le miracle de guérir la cécité de Julia. L'événement déplaît beaucoup à Claude, qui, constatant que Valentin tente de convertir autour de lui tout ce qui se présente, décide de le faire exécuter. Valentin est donc décapité sur la Via Flaminia le 14 février 269. Avant d'être emmené pour son exécution, on raconte qu'il aurait remis à Julia une feuille d'amandier en forme de cœur avec ces mots « De ton Valentin ». Vous me disiez, Franck, qu'on célèbre la Saint-Valentin depuis le Moyen-Âge? Oui, au XIIIe siècle, le pape Alexandre IV fait de Saint-Valentin le saint patron des amoureux. Et au XIVe siècle, en Angleterre, naît la coutume de commencer à s'échanger des cartes, des billets doux. Un jour, des cartes postales. Enfin bref, vous connaissez la suite. Des SMS, etc. Et des cadeaux aussi. Bien sûr, bonne fête aux amoureux. Évidemment. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, et d'ailleurs, nous célébrerons les amours de Robert et Clara.